fur et à mesure que les jours défilent, je perds le fil. Plus d'attache, mon cœur lâche, j'évite le mal comme un lâche. Lâche, tu laisses ton préconise, fais un test, la gironie. Géronimo, comme un apache, guette la lune qui pointe son nez. Mais c'en est fini, trop de fissures à combler. C'est pas une question de blé, comme disent les vieux, y'a que la santé qui compte. J'approuve, taper la honte, je désapprouve, rien à prouver, rien à couver. Dans mon cerveau qui boue, qui bousille mes neurones, sale comme une coulée de boue. Je reste debout malgré tout, l'envers, je m'en contrefou. Trouver mon chemin, à jouer malin, avec moi-même, ne faire qu'un. Faut que je me retiens qu'à la source, retrouver le bon pas de course. Prendre des risques, ça me tente, c'est ma machette contre la brouille. Je fais tourner le disque à l'envers, c'est mon hiver en pente douce. Les scouts, je m'en bats, c'est le jeu, et j'ai les dés en main. Et demain, j'en pars au turbin, et je vais en faire pâlir plus d'un cousin. Rien à foutre, y'a pas de scrupules à avoir. J'ai pas les tentacules du savoir, et je crache mon langue, teinté de noir. Écoute-moi, car mon gars, j'ai les connais en toute conscience. Et si ma science avance, je le dois à mes cinq sens. Je visais ma délivrance en me confrontant aux autres. Je fais marcher ma tête et mes jambes pendant que les autres se vautrent. Écoute-moi, car mon gars, j'ai les connais en toute conscience. Et si ma science avance, je le dois à mes cinq sens. Je visais ma délivrance en me confrontant aux autres. Je fais marcher ma tête et mes jambes pendant que les autres se vautrent. Je suis pas un saule pleureur, j'ai plus de larmes à verser. Je me fie à aucun verset, vraiment plus rien à regretter. Mais les versets, ça tient en vie, je lève pas mon verre à la mélancolie. Inverse la tendance, en versatile, je vérifie. Tirer un trait sur avant, aller de l'avant, c'est tentant. Mais plus facile à dire qu'à faire, et ouais, malheureusement. Alors joue pas les prophètes, chacun fait ce qui lui chante. J'ai affaire, des affaires à régler, c'est pas que ça m'enchante. Faire de l'anse de mon propre combat, je lutte à ma façon. Toujours pas la bonne potion, mais ce qui compte, c'est l'intention. Y'a pas dit la tête une fois, chacun sait, chacun pour soi. Le royaume des aveugles n'a plus à m'imposer ses lois. Je suis pas borne, mais je vais droit, et ma foi, j'y crois. C'est loin l'âge d'or de notre enfance, l'âge d'or. Et je rêve de l'innocence, y'a pas de calcul, cherche pas, pas de probabilité. Je suis pas habilité, pas trop le genre à militer. Je discerne ce qui me concerne et je veux berner personne. Le glaçonne, ma glace se brise, j'ai mis un nom sur mes méprises. Écoute-moi, car mon gars, j'ai les connais en toute conscience. Et si ma science avance, je le dois à mes cinq sens. Je viserai ma délivrance en me confrontant aux autres. Je ferai marcher ma tête et mes jambes pendant que les autres se vautrent. Écoute-moi, car mon gars, j'ai les connais en toute conscience. Et si ma science avance, je le dois à mes cinq sens. Je viserai ma délivrance en me confrontant aux autres. Je fais marcher ma tête et mes jambes pendant que les autres se vautrent. J'ai pas l'heure et j'ai pas de clope, alors qu'est-ce t'as à mater? Ça fait plus de 10 minutes que tu passes ton temps à me regarder. Putain, faut que j'arrête mon délire, je tape une parano sur tout le monde. Pour tout avouer, je m'ai même à douter que la terre soit vraiment ronde. Je suis comme un poisson rouge sur son bocal, je cherche mon souffle, mais y'a que dalle. J'ai pas choisi de me faire la malle, de vivre sans escale. Sans escalier, j'ai bien dégringolé, ça me fait du mal. À la recherche de rien, c'est pas ma quête du Graal. Écoute mon propos, amigo, j'aspire à rien d'autre qu'au repos. Reposer mon âme, retrouver mon calme. Chaque jour qui passe me pêche, je suis plus à mon aise. C'est comme un enchaînement fatal de vendredi 13. Je suis entre parenthèses, l'épée de Damoclès, le malaise me baillonne, m'étouffe, surtout pas que je me taise. J'ai engagé une drôle de partie de cache-cache, avec la panique bien planquée, survie à découvert, subi sur ma vie, la folie me guette. Si tout ça ne s'arrête, y'a rien à faire, je suis pas fait pour vivre le quotidien d'un asset. Écoute-moi, car mon gars, je les connais en toute conscience. Et si ma science avance, je le dois à mes cinq sens. Je viserai ma délivrance en me confrontant aux autres. Je ferai marcher ma tête et mes jambes pendant que les autres se vautrent. Écoute-moi, car mon gars, j'ai les connais en toute conscience. Et si ma science avance, je le dois à mes cinq sens. Je viserai ma délivrance en me confrontant aux autres. Je ferai marcher ma tête et mes jambes pendant que les autres se vautrent. Je comprends pas ce qu'a pu bloquer pour que je débloque comme ça. Il faut que je cherche dans mon passé pour en comprendre le pourquoi. Mais je suis là tout ce blabla et j'ai le moral à plat. Comment redorer mon blason sans mettre les choses à plat? Putain, c'est quoi mon blaze, hein? Putain, c'est quoi cette vie de naze? Une pierre de coup, je suis prisonnier, je suis mon propre geôlier. J'ai beau chercher sans relâche, et j'ai pas trouvé la clé. Crois-moi, les journées sont longues quand tout te sent oppressé. Mon seul refuge, c'est la zic, la seule à dénouer mes tensions, la seule à calmer ma rage. Ma thérapie, mon ambition, mauvaise fortune, la vie n'est pas faite que de notes de musique. Et c'est pas mes lyrics qui éloigneront mes paniques. Je fais des sons pour que j'écris et j'écris pour que ça sonne. C'est l'essence de mes sens, en attendant que mon leur sonne. Comme j'encense le raffilio, je renvoie l'ascenseur. Comme un fidèle serviteur, c'est rare que je compte mes heures. Et en secret, je prie pour que mes écrits chassent mes peurs. Pour retrouver celui que j'étais, ni en pire, ni en meilleur. En quelques mois, on peut tout perdre, même le contrôle de soi. La joie quittait le navire, elle s'éloigne de moi. Fini la vie de bohème, obligé de tirer une croix. Je me résigne pas à faire le deuil, et c'est plus fort que moi. J'ai mal commencé le millénaire, et je vais pas lâcher l'affaire. Tellement de temps gâché, encore tellement de choses à faire.